Even in the shadows, baby, kiss me. Before they turn the lights out, before they turn the lights out, baby, love me. Il est 6h, bonne fête à Juste et ainsi qu'à Gwendoline. Oh, le ciel s'est couvert. Homme de Nouméa pour préparer le spectaculaire concert de Scorpion demain à 20h. Nouveau matériel et installations inédites permettent de prendre la mesure de la performance à venir. Hommage aux femmes rurales au Centre culturel Chibaou, la troisième édition de la Journée internationale se déroulera demain de 8h30 à 16h45. Le Festival international du cinéma Anuru Aboro des Peuples, 16h. Certains pensaient que la campagne à la présidentielle américaine avait touché le fond avec la vidéo des propos obscènes de Donald Trump, mais non. Désormais, des femmes l'accusent d'attouchement sexuel. Enfin, à la surprise générale, le prix Nobel de littérature a été attribué au chanteur Bob Dylan. Le prix Nobel de littérature à Bob Dylan. Ah, mais non, j'étais en train de confondre avec Bob l'éponge. C'est ouais, un Bob. C'est pas pareil. Ça fait bon, pas la même chose. Plus tard, peut-être. Peut-être l'espoir. Et c'est un prix Nobel de la paix qui l'a félicité, entre autres, oui. Barack Obama. Ah, c'est la classe. Bah, c'est... Mais non, parce que nous, on a de bonnes nouvelles, par exemple. Moi, je t'avais mis des bonnes nouvelles dans mon journal. Oui. T'es pas solidaire ce matin. Eh ben, j'ai le prix Nobel du pas bon réveil. Voilà, puis voilà, c'est tout. J'ai une mauvaise humeur. C'est un jour, un événement. C'est un événement qui a marqué pas mal de générations. C'est la première publication de Winnie l'ours en bande dessinée. Ça se passe un 14 octobre. Nous sommes, il y a bien longtemps, en 1926, quand même. Et oui, l'écrivain britannique a lui-même s'est inspiré de l'ours en peluche de son fils. Et voilà, on parle encore des fistons. Le succès est immédiat. La Teddy Toy Company fabrique des Winnie en peluche. 23 octobre, profitez de l'opération piscine plein air chez Monsieur Bricolage, Ducos, Kenwin et maintenant on connaît. Piscine acier, 4,60 m sur 1,20 m avec tapis de sol, bâche de couverture, filtre à sable 8 m3 heure à 169 000 francs. Monsieur Bricolage, Ducos, Kenwin et Connet. On peut compter sur lui. Trois magasins plus proches de chez vous. Sawadika, Kanikata et bien-être au quartier latin de 9h à 20h du lundi au dimanche au 29 89 89. Dans vos soirées, inscription sur www.cafad.nc. L'évaluation des risques professionnels est une démarche obligatoire depuis 2015 pour tous les employeurs. Madéco, nouveau magasin de décoration avec ses mises en ambiance, objets de décoration. Madéco, c'est des idées cadeaux à offrir ou pour se faire plaisir. Des idées pour vous changer la vie avec des thèmes sympas. Tout pour embellir votre intérieur. Madéco, entre Geffroy et Luminaire Plus, Zac Panda, ouvert du lundi au samedi. Renseignements au 45 02 38. Madéco, c'est Madéco autrement. C'est déjà l'été chez Billabong. Une sensation unique. Les nouvelles collections Spring inspirent un sentiment de liberté, de voyage et d'aventure. Billabong vous offre la beach culture australienne et son lifestyle. Oui, chez Billabong, à Lansvata et à Kenuin, on est à Surfer's Paradise. Back when all my little goals seem so important. Écoute ton cœur. Cette sensation, c'est Billabong.

pushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Been so phenomenally, you're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move where you already know. So just imagine, nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Voilà, je viens de terminer une petite conversion de dollars en francs pacifiques. Pourquoi ? Parce que Disneyland permet maintenant à des particuliers de s'offrir le mariage de prince et princesse dont vous avez rêvé toute votre enfance. Arrivé dans le carrosse citrouille de Cendrillon, costume d'époque, vu sur le château, tout ceci était déjà à la carte, mais l'organisation a constaté qu'on subissait un petit problème de taille pour tous ceux qui sont prêts à débourser un minimum de 75 000 dollars. Ça fait 8 millions de nos francs pacifiques. Alors c'était se marier au paradis, mais l'enfer pour quand même quelques-uns de ces mariages, car évidemment avec des cérémonies en journée, les tourtereaux n'échappaient pas à la curiosité des badauds qui croyaient assister à un énième spectacle et se mêler spontanément à la cérémonie. Alors pour l'intimité, on repassera. Du coup, qu'à cela ne tienne, vous pouvez désormais opter pour une cérémonie une fois la nuit tombée sur le parc, lorsque les portes sont fermées au public. De quoi amplifier la dimension féerique du plus beau jour de votre vie. Car quoi de plus magique que le château de la Belle au Bois Dormant, illuminé dans la nuit? Cette fois, le mariage peut donc ressembler à un vrai conte de fées, car vous pouvez même inviter jusqu'à 300 convives dans le manoir néo-gothique aux 1001 tapisseries en enluminures et vitraux. Alors, veillez tout de même à ce que votre portefeuille soit bien rempli, car il vous faudra débourser 100 000 dollars, ça fait un peu plus de 10 millions de nos francs pour privatiser l'endroit et recevoir vos proches. 6h20 à suivre, la météo. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. Mazda nouveau BT50, le pick-up tout-terrain en simple ou double cabine. Mazda, au-delà des conventions. Parking Ixon, Vallée du Tir et Magenta. Mazda. Plus de 40 pilotes, un seul titre. Yeah.

De 1975, à l'instant, le titre c'est The Sound. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 m² de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. Il est 6h30, bonne fête à Gilles et à Gwendoline. Toute l'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. C'est l'heure de s'informer, c'est avec Delphine. Bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Et ça s'active avant le concert de Scorpion. Les techniciens d'Océania auront passé une dizaine de jours à l'hippodrome de Nouméa pour préparer le spectaculaire concert de Scorpion demain à 20h. Il a fallu plus de matériel que pour Johnny, surtout pour les écrans géants. Beaucoup d'autres équipements ont été loués ou achetés par la société à l'occasion du concert. De chaque côté de la scène, des échafaudages sont également en train d'être montés. Chacun portera des haut-parleurs de 6 mètres de haut. Et aujourd'hui, le matériel du groupe, soit les instruments, les micros ou encore les amplis guitares, doit arriver par avion, suivi de près par les 20 techniciens de la tournée de Scorpion. Ce seront les premiers juges du travail d'Océania. Hommage aux femmes rurales au Centre culturel Tibaou, la 3e édition de la Journée internationale des femmes rurales se déroule demain de 8h30 à 16h45. Elle sera précédée par une coutume d'ouverture la veille. L'événement est organisé par le gouvernement, le Centre culturel Tibaou, mais aussi l'association FEE, Femmes Entraide Économique et Solidaire. Il accueillera la 6e édition du Grand Marché des Femmes du Pays, qui est une vitrine de l'ensemble des produits artisanaux des trois provinces. Dans le reste de l'actualité, l'ex-président Jacques Chirac, 83 ans, objet des rumeurs les plus alarmistes après son hospitalisation en urgence mi-septembre pour une infection pulmonaire, a donc pu quitter jeudi la Pitié-Salpêtrière pour poursuivre sa convalescence à son domicile parisien. Et puis l'Hérault, touché par de fortes précipitations et où les cours n'ont pas été assurés jeudi, a donc été placé en vigilance rouge en fin de journée pour des pluies, inondations prévues à partir de 20h jusqu'à vendredi 16h. Les pompiers d'Hérault se sont d'ailleurs félicités d'avoir eu peu d'interventions significatives à effectuer et aucun blessé à signaler, parce que la prévention a fonctionné. Il reste cependant très vigilant face à la nuit qui s'annonçait jeudi soir. Enfin, la campagne américaine s'enfonce un peu plus dans la boue. La boîte de Pandore est ouverte. Certains pensaient que la campagne à la présidentielle avait touché le fond avec la vidéo des propos obscènes de Donald Trump. Mais non, désormais des femmes l'accusent d'attouchement sexuel. Elles sont au moins 5 et la plupart disent sortir du silence après avoir entendu Donald Trump lors du débat avec Clinton. Il assurait que ses propos sexistes n'étaient que des paroles, pas des actes, après ce que l'on a entendu dans cette fameuse vidéo polémique. Toute l'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Like journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 m² de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. Attention, ce matin, cadeau avec l'invitation pour deux personnes, deux places à 3500 francs pour ce soir. Le concert de Naaman, il sera en concert au Quendu Beach à 20h. Alors, pour gagner, il faut participer à notre tirage au sort. C'est Naaman, vous l'envoyez ce mot au 41. Et on fait le tirage au sort tout à l'heure à 7h10. 368 francs pour un SMS pour deux places d'une valeur de 7000 francs. Total. Vous jouez avec nous et vive le reggae avec Naaman sur Énergie. Naaman au 35 ans, au combien ? 41. Ah ben c'est parti. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. Bonjour à tous, excellent vendredi. Nous sommes le 14 octobre. Votre horoscope est les béliers, vous serez de bonne humeur et vous aurez l'âme généreuse. Taureau, des remises en question sont à attendre. Cela vous permettra d'éclaircir la situation avec votre moitié. Gémeaux, vous aurez tendance à être un peu débordé, mais vous reprendrez vite le contrôle de votre organisation. Cancer, votre bonne humeur sera communicative et vos amis vous adoreront. Les célibataires, les lions, Vénus vous offrira un carnet d'adresses dans lequel vous n'aurez qu'à piocher les yeux fermés. Vierge, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, les astres vous invitent à patienter. Balance, vous vous sentirez très proche de votre famille, vous leur prouverez votre attachement. Les scorpions, vous faites le point sur vos récents amours passés et sur vos désirs. Sagittaire à la maison, pas de séparation en vue, mais de franches et pragmatiques explications sont à prévoir. Arrêtez de regarder en arrière les capricornes, il est temps de tourner la page. Verseau, forcez-vous à sortir, voir vos amis, faites-vous plaisir, allez déjeuner ou dîner, allez danser, vivez quoi. Et les poissons, vous voyez la sincérité des sentiments chez votre partenaire et les émotions sont exprimées réciproquement. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. Underground and the perfect disguise above, under the city.

Les techniciens sont dans les starting blocks à la veille du concert de Scorpion. Jacques Chirac, lui, est sorti de l'hôpital et poursuit sa convalescence chez lui. Enfin, le prix Nobel de littérature est attribué à Bob Dylan. Et nous sommes vendredi. Bienvenue Delphine. Merci JB. Bonjour tout le monde. Ça s'active avant le concert de Scorpion. Et oui, les techniciens d'Océania auront passé une dizaine de jours à l'hippodrome de Nouméa pour préparer le spectaculaire concert de Scorpion. C'est demain à 20h. Il a fallu plus de matériel que pour Johnny, surtout pour les écrans géants. Beaucoup d'autres équipements ont été loués ou achetés par la société à l'occasion de ce concert. De chaque côté de la scène, des échafaudages sont en train d'être montés. Chacun portera des haut-parleurs de 6 mètres de haut. Et aujourd'hui, le matériel du groupe doit arriver par avion, suivi de près par les 20 techniciens de la tournée de Scorpion. Ce seront les premiers juges du travail d'Océania. Hommage aux femmes rurales au Centre culturel Tchebaou. La troisième édition de la Journée internationale des femmes rurales se déroule demain de 8h30 à 16h45. Elle sera précédée par une coutume d'ouverture la veille. L'événement est organisé par le gouvernement et le Centre culturel Tchebaou, mais aussi par l'association Fait pour Femmes, Entraide économique et solidaire. Il accueillera aussi la sixième édition du Grand Marché des femmes du pays, une vitrine de tous les produits artisanaux des trois provinces. On écoute Astrid Gopoya, conseillère auprès de Dewe Gorodé, membre du gouvernement en charge de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté. Ça va leur permettre d'écouler les produits, de faire connaître leurs produits, la qualité de leurs produits. Et donc, c'est important pour elles ensuite. L'autre chose, c'est que ce sont des espaces d'échange par rapport aux expériences qu'elles vivent là où elles sont. Donc, au niveau du pays, de rencontrer les femmes des îles du Nord et du Sud pour permettre qu'elles échangent leur expérience et voir quelles sont les solutions qu'elles peuvent apporter demain face à leur situation au quotidien. Elles sont beaucoup plus autonomes. Donc, lorsqu'il faut démarcher pour trouver des partenaires pour organiser cette journée. Elles sont autonomes, elles s'organisent et la journée coûte moins cher. Mais en même temps, il y a des grandes retombées économiques parce qu'on a remarqué qu'après ces journées-là, elles ont moins de produits. Donc ça veut dire que leurs produits ont un succès. Elles retournent riches parce que lorsqu'elles arrivent là où elles sont, elles initient des projets parce qu'elles ont pu rencontrer des partenaires. Elles ont peut-être plus d'informations sur leurs droits, sur les outils de développement économique, etc. La journée sera également marquée par la tenue de deux forums qui aborderont des thèmes chers aux femmes qui souhaitent développer des activités économiques. Le premier sur l'accès au foncier coutumier, le second fera le bilan des deux premières années de fonctionnement et de la Banque économique solidaire des femmes. L'accès au centre hein, ainsi qu'au stand sera libre et gratuit. Le festival Anuru Abolo fête ses 10 ans. Le festival international du cinéma des peuples se déroule du 14 au 22 octobre à Pointe-d'Imier, mais aussi dans les communes des trois provinces de la Nouvelle-Calédonie. Il a pour ambition de donner la parole aux populations les plus marginalisées et peu écoutées. L'association a reçu près de 2400 propositions de création artistique du monde entier, parmi lesquelles elle a retenu 60 films documentaires non formatés. Et cette 10e édition se veut festive avec une large place laissée à la musique, mais aussi à toutes les formes d'art et d'artisanat qui seront présentées au public. Les infos sont disponibles sur le site de l'association ou sur la page Facebook 10e Festival Anuru Abolo. On prend des nouvelles de Jacques Chirac qui a quitté l'hôpital. Et oui, l'ex-président âgé de 83 ans, objet de rumeurs les plus alarmistes après son hospitalisation en urgence mi-septembre pour une infection pulmonaire, a donc pu quitter jeudi la Pitié-Salpêtrière pour poursuivre sa convalescence à son domicile parisien. Le département de l'Hérault est sous les trompes d'eau. Et oui, l'Hérault touché par de fortes précipitations et les cours n'ont pas été assurés jeudi, a donc été placé en vigilance rouge en fin de journée pour des pluies, inondations prévues à partir de 20h et jusqu'à vendredi 16h. Très peu de voitures et de piétons jeudi dans les rues de Montpellier étaient particulièrement désertes, même aux heures de pointe. Les pompiers d'Hérault se sont d'ailleurs félicités d'avoir eu peu d'interventions significatives à effectuer et aucun blessé à signaler parce que la prévention a fonctionné. Ils restent cependant très vigilants face à la nuit qui s'annonçait. Le Gard et l'Aude, un département limitrophe de l'Hérault, ont pour leur part été placés en vigilance orange, forte précipitation. La campagne américaine s'enfonce de plus en plus dans la boue. Et la boîte de Pandore est ouverte. Certains pensaient que la campagne à la présidentielle américaine avait touché le fond avec la vidéo des propos obscènes de Donald Trump, mais non. Désormais, des femmes l'accusent d'attouchement sexuel. Elles sont au moins 5 et la plupart disent sortir du silence après avoir entendu Donald Trump lors du débat avec Hillary Clinton. Il assurait que ses propos sexistes n'étaient que des paroles, pas des actes, après qu'on l'ait entendu dans cette fameuse vidéo polémique. Et de son côté, Donald Trump est comme un enragé. Il a hurlé au téléphone sur la journaliste du New York Times qui publie d'ailleurs deux témoignages. Il l'a traitée de répugnante. Il nie toutes ces histoires de fiction destinées, dit-il, à l'assassiner politiquement et va porter plainte. Et le prix Nobel de littérature est attribué à Bob Dylan. À la surprise générale, hein, le prix Nobel de littérature a été attribué au chanteur pour avoir, je cite, créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine. Alors les réactions se sont multipliées. Félicitations à l'un de mes poètes préférés, Bob Dylan, pour ce Nobel tout à fait mérité. Et qui c'est qui lui a tweeté ça? Eh bien, le président américain Barack Obama, qui est lui-même prix Nobel de la paix. Son message était également assorti d'un lien vers un florilège des chansons de l'artiste américain. Et on va passer à l'info insolite avec Bob Dylan en fond. Bah si tu veux. D'ailleurs, on reste aux États-Unis. Pourquoi JB se contenter des meubles lorsqu'on peut prendre la maison? Oui, bonne question, c'est quoi? C'est une tempête, c'est un ouragan qui a fait ça? Non, c'est des voleurs. Malinda Christian, c'est une musicienne de Sacramento, en Californie, et elle a eu la désagréable surprise de découvrir que sa maison avait été volée. Pas détruite, JB, pas cambriolée, volée. Ouais. En fait, comme elle part souvent en tournée, c'est une musicienne, elle s'est dit qu'elle allait acheter une petite maison sur roulette. Ça lui permet d'éviter de passer d'un hôtel à l'autre, la location, tout ça. Et chaque fois qu'elle partait, elle promet de fermer sa demeure et elle mettait une chaîne, ça n'a pas suffi. Apparemment, ils ont profité de la nuit pour voler la maison. Bon, ceci dit, ils ont dû se décourager rapidement parce que partir avec une maison, ça se voit au bout d'un moment. Donc la maison a quand même été retrouvée sur le parking d'un centre commercial. Les policiers disaient que c'est la première fois qu'on volait carrément la maison. Nickel, hein, ils n'ont rien fait. Peut-être que la prochaine fois, il va falloir qu'elle dégonfle les pneus avant de partir. Oui. Tu te rends compte? Voilà, jusqu'où ils vont oser. Sympa cette petite musique. Ouais. Voilà, c'est lui le prix Nobel de littérature 2016. Ouais. Merci Delphine. Attention pour la musique, ça continue à jouer. Encore deux minutes maximum pour participer au tirage au sort. Naman est en concert ce soir à 20h au Condo Beach. Et là, Énergie, j'ai deux précieux passes pour que vous alliez vous régaler. À tout de suite. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. Quelquefois je détruis ce que j'ai de plus beau. Car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Shouldn't left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard de peur qu'il soit trop tard. I should have gone home. How hard can it be to say no? Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire non. Feels like I've been looking everywhere just to find out that it's you. Que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à. démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Materio Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. C'est l'heure du coup de fil gagnant sur Energy. Coup de fil gagnant pour le concert de Naman. J'ai quelqu'un ? Ça sonne ? Oui ! On doit être parti loin. Oui, allô ? Oui, oh, déjà bonjour ! Bonjour ! On est en direct sur Energy. Cool ! Eh, pas mal ! Donc, tu sais déjà comment on va s'organiser ta soirée ? Oui. Ouais, musique ! Et ça se passe au Kwandu Beach. Oui ! Alors, c'est à 20h au Kwandu Beach. Ouais. Et invitation pour deux personnes. Okay. On est d'accord, ça marche, tu nous as envoyé le SMS. Ouais, le SMS, ouais. Voilà, bah très bien, bon réflexe. Quel est ton prénom ? Noriane. Noriane, ravie de t'offrir ces deux places. Et, c'est trop plaisir. Ouais. C'est bon, tu le connais depuis longtemps, Naman, ou pas ? Ouais, super content, j'ai des trucs dédicacés de lui, je suis totalement fan. Ah ouais. Mais t'avais pas encore acheté tes places ? Non, j'avais pas encore acheté mes places parce que je me suis dit, on sait jamais, parce que comme c'était mon anniversaire, ouais, peut-être que j'allais les avoir et au final, non. Mais regardez, Energy me les offre pour mon anniversaire. qui a fait l'amour de ne pas t'offrir les places ? Tout le monde. Ah, les copains, non mais terrible. Et donc, t'as eu quoi ? T'as eu des choses sympas quand même ou tu les as déjà revendues, ouais, sur eBay ? Non, j'ai eu des trucs dans mon cou, donc ça va. Ouais, tu pourras les amener ce soir pour être sûr ? Excellent, Naman. Bon, ouais, c'est vrai que c'est un garçon qui est incroyable. Succès à chaque victoire de la musique, il est là, hein, pour le reggae. De 2014, ouais, voilà, il a eu toutes les récompenses et des nominations. Et c'est bien, c'est justifié parce qu'il fait un vrai beau travail. Donc, oui. Dernière récompense, victoire reggae 2016 pour la French Touch de l'année. Très bien, en 2013. En même temps, il le mérite, hein. Ouais. Je pense qu'il fait un super beau travail 2013, 2014, 2016. Il apparaît quasiment à chaque fois au palmarès des victoires. Bravo en tout cas, merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. La journée va être belle. Et très belle, elle commence bien. Ouais, et la soirée va être magnifique. Superbe, on t'embrasse, ne raccroche pas. Allez, à suivre le meilleur de la ZIC sur Energy aussi avec tout ce que vous aimez. Et on sera dans quelques instants avec Charlie Winston. Energy, Nouvelle-Calédonie. Identification. 93.5. Ouais, j'ai gagné. Et ça continue avec des gagnants toute l'année chez Shell. Et si c'était votre tour ? Jusqu'au 17 mars 2017, remplissez votre bulletin de jeu dans les stations Shell et Pacifique pour gagner 3 Ford Ranger, 3 iPhone, 3 iPad et des bons de carburant. Jeux gratuits sans obligation d'achat. Règlement disponible à SSP. www.a5.nc, le site de référence de la location de véhicules. Moins 10% si vous payez en ligne sur a5.nc. L'apprentissage est pour la messagère. Ouverture des inscriptions en août. CAP, BAC, BTS et Bachelor. L'alternance, un diplôme, un salaire. Inscription au point apprentissage. Plus d'infos sur le www.apprentissage.nc. L'apprentissage est, voilà le messager. Connexion internet, fax et scan. Cyber.nc. Imprimante, reliure et plastification. Cyber.nc. L'écrivain public qui vous aide à rédiger vos courriers, lettres de motivation et CV. Ça, c'est signé Cyber.nc. Cyber.nc, le cyber qui t'accompagne. Derrière le musée de la ville. Du 1er au 16 octobre, les commerçants vous emmènent vers la destination cadeau. Déposez tous vos bulletins de jeu dans les stations Total pour le tirage au sort final. Gagnez du carburant, une plate et sa remorque et des millions de francs en bons d'achat dépensés. En tout, près de 4 millions mis en jeu. Plus d'infos sur la page Facebook de Bravo l'été. C'est déjà l'été chez Billabong. Une sensation unique. Les nouvelles collections Spring inspirent un sentiment de liberté, de voyage et d'aventure. Billabong vous offre la beach culture australienne et son lifestyle. Oui, chez Billabong, à Lansvata et à Kenuin, on est à Surfer's Paradise. Back when all my little goals seem so important. Every Écoute ton cœur, cette sensation, c'est Billabong. samedi 15 octobre à l'arène du Sud de Païta pendant la finale du Monster Energy King of Drift. Participe au challenge Energy. Le plus rapide à changer la roue de la Ford Fiesta et à toi les cadeaux. Inscription et infos sur le www.energy.nc ou sur place. Attention, place limitée. Et gagne des jantes alliage avec chrono pneus, des passes VIP pour la finale, des places de ciné et des bons Simulator Games NC. Rendez-vous dès 10h samedi 15 octobre pour le challenge Energy à l'arène du Sud de Païta. Lors de la finale du Monster Energy King of Drift en partenariat avec la SFAC, Chrono Pneus, DIS, Repo Center, Ford et Energy. Toute l'actu de la matinée sur Energy avec Toyota, nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Le matin, toute l'actu locale, nationale et internationale, c'est sur Energy de 6h à 8h, toutes les demi-heures. Avec Toyota, nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. L'info matin, c'est sur Energy. Nouvelle-Calédonie. J'écoute l'énergie partout. Énergie. It's music only. I'm gonna put

bulletin météo d'énergie. Avec Ménard Occasion, acheter ou vendre sa voiture au meilleur prix, c'est simple et c'est un seul numéro, 41 45 08. Changement de temps par rapport au grand soleil qu'on avait hier, puisque le ciel est variable avec des averses sur la moitié nord de la Grande Terre et des loyautés. Ailleurs, le temps est généralement ensoleillé, mais le ciel se charge sur le relief dès la fin d'après-midi. On a une vigilance jaune pour fortes pluies et sous orages pour cet après-midi, où de bonnes averses se déclenchent sur le relief et ses abords. Averses qui peuvent localement prendre un caractère orageux et qui débordent plutôt vers le littoral ouest. Du coup, on a une baisse des températures maximales qui sont dans une fourchette de 25 à 29 degrés. Demain, le ciel est très nuageux avec de fréquentes averses sur le sud des Loyautés. Le soleil s'impose ailleurs malgré des averses qui remontent le long de la côte ouest et de la côte est. Dans l'après-midi, nuages et averses gagnent vers le nord, mais de belles éclaircies résistent sur le nord et Bélep. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens avec Ménard Occasion. Pour plus d'infos sur nos véhicules, rendez-vous sur notre page Facebook. Turn it up so I can be near it. Baby says she's got that feeling. Moonwalking on the ceiling. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. Alright. Turn it up so I can feel it. Loud enough so I can get. Pourquoi on utilise le arrobase en informatique? Non, ben réponse avec Van Der Kroot tout à l'heure à 8h10. Tous les matins de la semaine, rendez-vous dans le Morning d'Énergie. Avec Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. Et alors? Le duo, j'étais dans un ascenseur avec un copain. Eh ben c'est Jean-Marie Bigard qui vous racontera la suite tout à l'heure dans le rendez-vous gag. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde et ça s'active avant le concert de Scorpion. Les techniciens d'Oceania auront passé une dizaine de jours à l'hippodrome de Nouméa pour préparer le spectaculaire concert de Scorpion. C'est demain à 20h. Il a fallu plus de matériel que pour Johnny, surtout pour les écrans géants. Beaucoup d'autres équipes

Détendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis, du lundi au vendredi. Jean-Marie Bigard, il est là avec nous. Les expressions, les grands classiques du vendredi sur Énergie, les grands classiques de l'humour. On se souhaite bon appétit. C'est vrai, nous, on a à manger dans l'assiette. Si on est venu à la table, c'est sûrement parce qu'on avait faim, tu vois. Et alors, il reste une vieille angoisse qui plane sur nos tables à nous. C'est est-ce qu'on va avoir de l'appétit? Ça, ça nous fout les jetons, ça. Alors, on s'encourage les uns les autres. On se dit, allez, bon appétit. On y croit, on se bat. On va pas se laisser emmerder par une blanquette de veau, tu vois. Parce que d'accord, on a eu de l'appétit ce matin. On en a eu à midi, mais ce soir, on n'est pas à l'abri, toi. Enfin, on fouette avec l'appétit, hein. C'est marrant, ça, les expressions. Il y en a plein d'autres, d'ailleurs, j'en donne une paire. Vous vous pointez au resto avec un copain, par exemple. Vous arrivez, le garçon, il vient vous accueillir. Il dit, c'est pour dîner? Non, c'est pour faire un tennis, connard. Vous avez des cours de libre, non? Non, bah alors, on va dîner à ce moment-là. Après, il insiste, il dit, deux couverts. Non, mon pote, il va manger avec ses doigts, puis moi, je lui repasserai la fourchette de temps en temps, connard. Attention. C'est sûr, des fois, c'est le client qui est con, quand même. Hein. Des fois, le client, il prend le menu, il dit, il est frais, votre poisson? Non, il est pourri depuis 4 jours, mais on va essayer de le fourguer quand même. C'est le jeu. Tout ça, je vous le donne, vous pouvez le ramener chez vous, je vous le donne, cadeau. Tiens, un autre exemple. Vous êtes invité à une soirée chez quelqu'un, vous arrivez, la maîtresse de maison, elle vient, elle ouvre la porte et elle fait « Ah, oh, c'est vous !» Parce que déjà, si ça n'avait pas été toi, elle n'aurait peut-être pas ouvert, déjà, toi. Alors toi, t'as amené un bouquet pour être poli, et là, dès qu'elle voit le bouquet, elle se met à hurler à la mort, elle fait « Ah, oh, des fleurs !» Parce que d'habitude, on doit y offrir des carottes râpées, ou des boulons, ou des roues de bagnole. Donc là, elle est vachement étonnée, c'est des fleurs. Moi, il n'y avait encore jamais fait le coup, tu vois. Alors tu rentres quand même. Et puis là, à gauche, t'as les chambres à coucher. À droite, t'as la cuisine. Puis devant, t'as une pièce pleine d'invités. Et là, le croix-mont d'ajouter, c'est par là. Pour le cas où t'aurais voulu aller dormir une heure ou deux avant, ou si tu voulais aller faire un peu de vaisselle avant. Ah, pas ainsi, ça dit, si vous voulez bien me suivre, bah un peu que je veux la suivre. Je me suis pas tapé 2 heures d'embouteillage dans Paris pour craquer à 3 mètres du bol de sangria, quand même. Alors, il y a pire. Parce qu'une fois à l'intérieur, tu rencontres un copain qui te dit, ah, t'as été invité aussi? Tu dis, oh, j'ai cassé un carreau pour rentrer, quand même. Et entre nous, si j'étais venu pour recoller la moquette, tu crois que j'aurais mis un smoking? Il y en a plein, tout ça, je vous le donne. Cadeau. Et tiens, encore quelques autres, parce que j'en trouve une tous les soirs en ce moment. C'est facile. Tu rencontres un copain dans la rue, il te dit, tiens, t'as été chez le coiffeur? Non, ils sont tombés tout seuls cette nuit. Ou alors, tiens, t'es rentré de vacances? Non, tu vois bien que j'y suis encore, connard. Ah, il y a aussi le fameux « Faites comme chez vous ». Eh ben, ça va être un beau bordel dans 5 minutes, et c'est même dangereux parce que l'autre jour, je suis rentré dans une boulangerie, j'ai dit « Bonjour madame, est-ce que vous avez des grosses miches ?» Eh ben, elle m'a mis un pain dans la gueule, hein. Faut se méfier. Tout ça, je vous le donne, vous pouvez le ramener chez vous. Voilà. Et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse du Hilton. Découvrez notre formule Buddha Bowls qui fera de votre déjeuner un moment coloré, vitaminé, complet et sain. Le gag d'énergie, on n'y résiste pas. Oh yeah. He calls me the devil. I make him wanna sin. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real. All the realest it gets. He probably

Torpedo, c'est tous les jours à partir de 15h30 avec les trois brasseurs. Torpedo, c'est une émission avec plein de rock dedans. Cuisiné par Laurent Navarro. Torpedo, tu peux écouter même si t'as les cheveux courts et que tu sais pas faire l'hélicoptère. Torpedo, avec les trois brasseurs. Les 3B brassent toutes les musiques. Tous les jours à partir de 15h30, pendant 20 minutes, prenez votre dose de rock, de rhythm and blues, de soul, de rock indé ou alternatif. Ça, c'est Torpedo, avec les trois brasseurs. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie. C'est de la bombe. Énergie, music only. Music only. La minute du professeur Van der Kroot, c'est rigolo, mais rien n'est faux. Avec Cuisine Plus, conseil et recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cuisine Plus, au Plexus, chez Socaport, donnez un sens à votre décor. Les questions existentielles du professeur Van der Kroot. Pourquoi utilise-t-on l'arobase en informatique ? Un petit alt, touche, et hop, il apparaît sur votre écran. Le signe arrobase, c'est ce A encerclé qui sépare votre pseudo-mail du nom de votre hébergeur. Vous savez comment on l'appelle en russe, l'arrobase, stagiaire Bernardin ? Mais non, professeur. Sabaka, la truffe du chien. En regardant le signe, les Russes ont trouvé qu'il y avait une ressemblance avec la truffe du toutou. Bah, en regardant à travers le fond d'un verre de vodka, professeur. Ne croyez surtout pas que l'arobase est une invention moderne. On n'avait ni clavier, ni souris, ni mulot que ce signe existait déjà. C'est au Moyen-Âge qu'on a retrouvé sa trace. Pendant plusieurs siècles, ce logo a été utilisé par les commerçants pour la vente à l'unité. C'est donc une valeur qu'on retrouve assez logiquement sur certaines machines à écrire. Mais force est de constater que cette touche prend un peu la poussière, à tel point qu'elle ne marche plus. Un bon coup de dégrippant et ça repart. Et celui qui va redonner une nouvelle vie à ce A qui s'ennuie dans sa bulle, c'est Ray Tomlinson. Hello, I am Ray Tomlinson. L'inventeur de l'email. Lorsqu'il travaille sur ce projet en 1972, il se rend compte qu'il manque un symbole pour séparer clairement pseudonyme et lieu d'envoi. C'est donc l'arobase qui est adopté. Au fait, vous n'avez pas répondu au mail que je vous ai envoyé sur bernardin@toprelou.com. Ah, ben si. Je vous ai répondu sur vanderkrouton@ringard.naz. Ok, ok. Un point pour vous. Vous saurez tout dans la minute du professeur Van der Kroot. Avec Cuisine Plus, chez Socaport Plexus Ducos, créez la cuisine qui vous ressemble. Fabrication 100% européenne, solidité et finition haut de gamme. Et puisque nos regards se croisent, que leur parfum se mélange. Frontières ne les dérange. Et puisque nos regards s'effleurent et qu'on vit tous sous la même lumière, oh, ah, ah, à chacun son emblème, sa couleur, mais nos souffrances sont les mêmes. Oublions ces détails qui nous séparent. Soit ici ou d'ailleurs, oublions ces détails qui nous séparent. Alors laissons-les. lâcher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. C'est les boutons à moi, ça, Delphine. Il est 8h dans la radio, ravi d'être avec vous. Tiens, en fait, il y a le drift, hein, demain, c'est la grande finale, la Païta. Toute l'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Delphine, si elle veut bien, on partagera la page de sport tout à l'heure. Pour le moment, eh bien, on revient sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité en ce vendredi 14. Je ne partage pas ma page sport, je te la donne. Les techniciens d'Océania auront passé une dizaine de jours à l'hippodrome de Nouméa pour préparer le spectaculaire concert de Scorpion. C'est demain, on le rappelle, à 20h. Nouveau matériel et installation inédite permettront de prendre la mesure de la performance à venir. Et puis hommage aux femmes rurales au centre culturel Tibaou, c'est la 3e édition. Ça se passe demain de 8h30 à 16h45. Le festival international du cinéma Anuru Aboro démarre aujourd'hui à Point-d'Imy. Il a pour ambition de donner la parole aux populations les plus marginalisées et peu écoutées. Dans le reste de l'actualité, Jacques Chirac a quitté l'hôpital. Il va poursuivre sa convalescence à son domicile parisien. Et puis l'Hérault, touché par de fortes précipitations, les cours n'ont pas été assurés jeudi. L'Hérault qui a donc été placé en vigilance rouge en fin de journée pour des pluies et des inondations. Ça sera valable jusqu'à vendredi 16h. Et puis certains pensaient que la campagne à la présidentielle américaine avait touché le fond avec la vidéo des propos obscènes de Donald Trump, mais non, désormais les femmes l'accusent d'attouchement sexuel. Enfin, à la surprise générale, le prix Nobel de littérature a été attribué au chanteur Bob Dylan pour avoir créé des nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine. Énergie. Sport News. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Pirelli, la puissance maîtrisée. Luis Campos est à un pas de l'OM. Et oui, lundi, l'OM passera sous pavillon américain avec l'arrivée d'un nouveau propriétaire, à savoir Franck McCourt, et celle d'un nouveau président, le français Jacques-Henri Hérault. Eh bien, la nouvelle direction n'arrivera vraisemblablement pas les mains vides, et pour le poste de directeur sportif, Luis Campos est aujourd'hui en pole position. Les négociations contractuelles sont très avancées entre le nouvel OM et l'ancien conseiller du du vice-président Vadim Vassiliev à Monaco. Une enquête préliminaire de la FIFA a été lancée sur le geste mimant un égorgement effectué par Serge Aurier lors du match Côte d'Ivoire-Mali. Auteur de la demi-heure de jeu samedi soir à Bouaké, l'arrière droit centré a provoqué un but contre son camp d'un Malien donnant l'avantage aux Ivoiriens. Il a alors célébré en se frappant la poitrine du bras droit, puis en mimant un égorgement en direction des tribunes. Le geste de Serge Aurier avait agité les réseaux sociaux, suscitant sarcasme ou messages de défiance à l'égard des médias. Gilles Simon assuré au tournoi de Shanghai. Et oui, après des mois de galère, le Français a réalisé un exploit en dominant le numéro 3 mondial Stan Wawrinka. Il accède donc au quart de finale du Master 1000 de Shanghai, où Gaël Monfils, lui, a raté une occasion de se rapprocher de ce Master. Le numéro 1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic, lui, a continué sa route en maîtrisant le Canadien Vasek Pospisil, tout comme son dauphin en demeurait impitoyable avec Lucas Pouille. Après avoir mené, donc on revient sur le match de Gaël Monfils, lui s'est incliné face à David Goffin. Et puis enfin, Alizé Cornet, elle s'est qualifiée pour les quarts de finale à Hong Kong. Elle a dominé quand même l'américaine Venus Williams. Énergie. Sport News. Avec les pneus Pirelli, chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Énergie. Sport News. Caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec FitZone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos sur Facebook. Attends, je suis pas prête. Je me mouche. Bon, ouais, ça suffit. Ça suffit, vous deux. Allez, bonjour, bonjour. C'est toi qui fais des bruits comme ça? Oui, ça claque dans mes oreilles. Oh. Bah Karen, t'as éternué. C'est une matinée agitée le ce micro, matin. S'il te plaît. Ouais, exact. Oh. Voilà, là c'est mieux. Attends, je vais le mettre en dessous. Achoum. Oh bah Karen. Delphine, ça suffit. Qu'est-ce qu'on va faire dans Caféine ce jour? Eh bien, on parlera justement, on reviendra sur les œuvres de Bob Dylan qui vient d'avoir le prix Nobel. À 75 ans, tout va bien. Et tout va bien aussi pour Nick Jonas qui sort un nouveau titre. Ça s'appelle Voodoo. Et puis, on écoutera aujourd'hui, eh bien, Lost on You de LP. Il y aura Miley Cyrus. Et puis, il y aura Zip Club pour le premier titre, Going the Distance. Rien à gagner ce matin, mais si, peut-être sur Énergie. Si vous allez vous inscrire, parce que les places sont limitées, pour changer la roue. Qui s'est changé une roue? Eh ben, visiblement, il y a plus de filles qui sont inscrites que de garçons. Ah, bah voilà, il faut changer la roue de la Ford Fiesta. Si vous venez au Monster Energy King of Drift ce week-end, c'est le challenge que Energy vous propose. Vous avez des informations sur le www.energy.nc. Vous changez la roue et moi, je vous regarde. Et ça ira très bien comme ça. Moi, je sais juste changer la roue de la trottinette. C'est très bien. Bien déjà. Bah oui, je sais. Bon, allez, on va écouter un peu de musique ce matin. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, c'est vendredi. T'as dit quoi pour la météo? J'ai dit que c'était quand même couvert et quelques risques de pluie. Ah bah JB, non, c'est pas sympa quoi. Et demain soir pour le concert de Scorpion? Ça va se dégager. Il y aura un peu de vent, il y aura du vent. D'accord. Du vent, mais ça sera un peu meilleur. Sortez couvert. Ouais.